Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique, tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Très heureux de vous retrouver, et cette année 2024 marque le bicentenaire de la naissance du compositeur tchèque Bedřich Smetana. Je suis pas sûr de vraiment bien prononcer son nom tel que le prononcent les Tchèques, mais enfin, on va dire que c'est comme ça. Bedřich Smetana, connu, bien sûr, pour sa célébrissime Moldao, poème symphonique, tiré du cycle Ma Patrie, un vaste ensemble de poèmes symphoniques qui évoquent justement la patrie de Smetana, ce qu'on appelait à l'époque la Bohème, qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Et donc, compositeur prolifique, un peu dans tous les domaines, peut-être un peu moins dans le concerto que dans d'autres registres, grand compositeur de musique de chambre, d'ailleurs sa première œuvre d'envergure est un trio, et puis le premier compositeur, on va dire, de ce terroir qui a intégré des éléments folkloriques dans sa propre musique. La musique de Smetana sonne vraiment comme de la musique tchèque avec des éléments populaires, ce que reprendra d'ailleurs par la suite d'autres compositeurs de ce pays, notamment évidemment Dvorak, qui avait une admiration immense pour Smetana. Alors Smetana, il est né dans une famille de 11 enfants, mais il est le seul qui a survécu. Et son père voulait en faire un économiste, eh oui. Mais il a préféré la musique, il a eu une vie très difficile parce que il a perdu sa femme et ses enfants lorsqu'ils étaient très jeunes. Et puis, il a atteint de la syphilis, ce mal l'a rongé, au point de le rendre sourd d'ailleurs. Et à la fin de sa vie, il n'entendait absolument plus aucune note de musique. Il était complètement sourd dû justement à ce mal, la syphilis. Alors donc, une vie difficile. Ces difficultés se remarquent dans sa musique. Il évoque souvent la difficulté de l'existence. Et en tout cas, une œuvre considérable et qui a énormément apporté à la musique d'Europe centrale. Alors, on va écouter un extrait de son opéra La fiancée vendue, enfin c'est l'ouverture très précisément, l'ouverture de La fiancée vendue. Il a composé plusieurs opéras, Smetana, ça c'est le plus célèbre, encore que il n'est au répertoire de l'Opéra de Paris que depuis 2008. Mais enfin, bon, quand même, quand on évoque les opéras de Smetana, c'est le premier qui vient à l'esprit, Fiancée vendue, qui évoque un mariage arrangé par un courtier en mariage. Je ne sais pas si ça existe vraiment. Enfin, tout se termine bien et l'ouverture est tout à fait typique du style de Smetana. Je vous la propose avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et James Levine. Thank you. l'ouverture de La fiancée vendue de Biedrich Smetana avec l'Orchestre philharmonique de Vienne, et James Levine. Autre anniversaire, autre commémoration, en 2024 centenaire de la mort de Giacomo Puccini. Giacomo Puccini, peut-être le compositeur d'opéra le plus important de la, au tournant du 19e et 20e siècle. Auteur, bien sûr, de Tosca, de la Bohème, de Manon Lescaut, de tant de chefs-d'œuvre. Il était issu d'une famille de musiciens. D'ailleurs, un de ses ancêtres s'appelait aussi Giacomo. Il était spécialisé dans la musique d'église, la musique sacrée. Mais c'était pas vraiment le truc de Giacomo Junior, parce que lui, certes, il a composé une Messa di Gloria alors qu'il était encore très jeune, mais bon, on peut penser qu'il n'était pas tellement croyant, plutôt agnostique. Bref, c'est l'opéra, le domaine de prédilection de Giacomo Puccini, et l'un des compositeurs d'ailleurs qui a très bien vécu de son art. Il a acheté une villa somptueuse grâce à ses droits d'auteur, et Giacomo Puccini s'est intéressé à tous les courants musicaux de son temps. Il a été présent lors de la création du Pierrot lunaire de Schoenberg, partition sur les genoux pour vraiment étudier l'œuvre de près, et c'est un compositeur vraiment incroyable dans le traitement des voix, maîtrise de l'art vocal comme peu en ont eu dans l'histoire de la musique. Et je vous propose de vous en rendre compte une fois de plus avec un extrait de Gianni Cicci, l'air célèbre au mio babino caro. Gianni Cicci qui fait partie du triptyque, trois petits opéras, petits par la durée mais grands par l'extraordinaire écriture de ses œuvres, le triptyque avec Il Tabarro, Suor Angelica et donc Gianni Cicci. Je vous propose d'écouter cet air chanté par Mirella Freni, Rita Streich, l'orchestre de l'Opéra de Berlin, dirigé par Reinhard Peters. Babino Caro, tiré de Gianni Cicci, de Giacomo Puccini, avec Rita Streich et l'orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, dirigé par Reinhard Peters. Le label Scarbo nous propose un coffret de 10 compacts disques autour de l'art de Sylvie Carbonel. Sylvie Carbonel, c'est une pianiste aussi discrète que talentueuse, on entend très très peu parler d'elle. Elle a commencé sa carrière dans les années 60, elle a été l'élève de Pierre Sancan au Conservatoire supérieur de Paris, elle a obtenu un prix à l'unanimité, elle a gagné de nombreux prix internationaux, elle a joué sur les plus grandes scènes du monde avec des grands chefs tels que Laurine Mazel et d'autres. Et donc ce coffret de 10 compacts nous propose un tour d'horizon du répertoire de Sylvie Carbonel. Il y a des choses assez vraiment étonnantes, par exemple l'intégrale de l'œuvre pour piano de Moussorgski, et puis des pages moins connues, des œuvres de compositeurs d'ailleurs que je ne connaissais pas, comme Jacques Desbrières qui a écrit des choses intéressantes. Son cahier de musique mérite d'être un peu mieux connu. Et puis voilà, donc le répertoire austro-allemand, enfin surtout allemand, avec Schumann très présent sur ce disque, Beethoven et Emmanuel Chabrier, ces 10 pièces pittoresques. Emmanuel Chabrier, compositeur natif d'Ambert dans le Massif central, Auvergnat, monté à Paris, qui est le jour et bien travaillé au ministère de l'Intérieur comme gratte-papier, et puis la nuit fréquentait les tavernes avec les parnassiens, les poètes, grand ami de Verlaine. Voici un extrait de ces 10 pièces pittoresques, tout au moins l'une des vignettes de ces pièces, l'une de ces pièces, Paysage, joué par Sylvie Carbonel, extrait de ce coffret publié par Scarbo. Thank you. Paysage, première des 10 pièces pittoresques d'Emmanuel Chabrier sous les doigts de Sylvie Carbonel, extrait du coffret Scarbo. L'art de Sylvie Carbonel, c'est sponsorisé par l'INA, des enregistrements de concerts, mais aussi donc des enregistrements radiophoniques. On reviendra sur ce coffret dans l'émission de demain et sur Emmanuel Chabrier. Mozart maintenant, Mozart et sa messe du couronnement. Alors pourquoi du couronnement ? Ne cherchez aucun lien avec quelques monarques qui se seraient fait couronner. C'est le couronnement de la Vierge. Et c'est une œuvre qui est née dans un contexte un peu difficile à la fin des années 1760. Quand Mozart, revenant de Paris, déçu de ne pas avoir retrouvé Eloïsa Weber qu'il aimait et qui lui avait fait comprendre bien qu'il fallait qu'il passe à autre chose, rentre de ce voyage dépité et en plus il retrouve l'archevêque Colloredo qu'il détestait, son maître, et qui va lui commander cette messe. Une messe qui est typique de ce que pouvait composer Mozart à l'époque, mais quel génie, quelle patte déjà dans cette œuvre qui annonce la grande messe en ut mineur et peut-être même après le Requiem. Voici un extrait donc de cette messe du couronnement de Mozart, interprété par le chœur du Singverein de Vienne, l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Thank you. Un extrait de la messe du couronnement Köchel 317 de Mozart, avec Anna Tomavacinto, Agnès Balsa, Werner Krenn et José Van Damme, le chœur du Singverein de Vienne, l'orchestre philharmonique de Berlin et Karajan. Dans cette émission, vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, on ne dédaigne pas la musique de film. Et quel compositeur de musique de film pour aujourd'hui? Peut-être le plus grand, peut-être celui que je préfère en tout cas, c'est Bernard Herrmann. Bernard Herrmann, compositeur américain qui a travaillé avec Hitchcock, mais aussi avec Orson Welles, avec Martin Scorsese. Et il était issu d'une famille de aisés d'immigrants juifs russes. Il est né en 1911. Il a connu les grands compositeurs de son temps américains, comme Charles Ives, déjà âgé, mais le premier compositeur né sur le sol américain. Et puis Copland, avec qui il a été très lié. Il a suivi des cours de composition à la Juilliard School, vraiment une formation très, très poussée. Et d'ailleurs, l'écriture musicale de Bernard Herrmann, faisant souvent d'ailleurs référence à des grandes œuvres classiques, eh bien, on en mesure vraiment l'intensité et la science dans une partition comme celle qui conclut le film L'homme qui en savait trop, grande symphonie cantate avec un pléthore orchestral, des chœurs vraiment colossaux et une œuvre qui vraiment fait penser aux symphonies de Mahler quelque part. Bref, un compositeur qui connaissait son métier. Et qui a eu quand même un peu de mal à se faire de la place, parce qu'il y avait tous les compositeurs qui venaient d'Europe au moment de la Seconde Guerre mondiale ou qui fuyaient le nazisme, qui sont arrivés sur le sol américain et qui aussi voulaient faire de la musique de film pour pouvoir survivre. Et donc, lui, il sentait qu'il avait quelque chose à faire dans ce domaine. Mais donc il a fallu jouer un petit peu des coudes pour pouvoir s'imposer, ça n'a pas été facile. Et en marge, il a composé aussi, comme d'autres compositeurs de musique de film célèbres, je pense à Nino Rota, des concertos, de la musique dite sérieuse, même si sa musique de film est toujours sérieuse. Bref, une carrière hollywoodienne qui a été longue, tortueuse, avant d'aboutir au triomphe. Et je vous propose l'une des grandes partitions pour Alfred Hitchcock. C'est la musique du film Vertigo, qui s'appelle Sueur froide en français, je ne sais pas pourquoi. Et donc je vous propose d'écouter le générique de ce film, joué par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, dirigé par Esa-Pekka Salonen. Le thème du film Vertigo de Bernard Herrmann, film d'Hitchcock bien sûr, musique de Bernard Herrmann, avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles et Esa-Pekka Salonen. Charles Gounod, 1818-1893, est l'auteur d'un opéra qui fut parmi les plus célèbres, les plus joués au monde, c'est Faust. Au départ, il voulait être séminaire, il voulait rentrer dans les ordres, il était séminariste, il a voulu rentrer dans les ordres, Gounod, et il a composé essentiellement, en début de carrière, de la musique religieuse. Et puis, grâce à Pauline Viardot, fameuse chanteuse de la première moitié du 19e siècle, Pauline Viardot l'a convaincu de se tourner vers l'opéra, et c'est bien parce qu'il a composé des chefs-d'œuvre absolus comme Sappho, et puis Roméo et Juliette, et puis ce Faust, très célèbre Faust, joué pendant un siècle partout sur toutes les scènes du monde, créé en 1859, évidemment un sujet inspiré par la traduction que Gérard de Nerval avait fait du Faust de Goethe et qui a également inspiré Berlioz à peu près à la même époque que Gounod. Et il y a toute une série de pages symphoniques dans ce Faust de Gounod. Je vous propose d'écouter la valse nubienne interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Herbert von Karajan. Valse nubienne tirée du Faust de Gounod, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Herbert von Karajan. Un disque qui vient de paraître chez Deutsche Grammophon, The Lost Tapes, les derniers enregistrements du pianiste Rudolf Serkin, disparu en 1991. Rudolf Serkin est l'un des grands pianistes du XXe siècle. Il y en a tant, bien sûr, mais lui figure parmi le peloton de tête. Et à la fin de sa vie, il avait enregistré 3 sonates de Beethoven pour Deutsche Grammophon. Il avait enregistré d'autres sonates, mais dont il n'a pas avalisé la publication. Pourquoi, on ne sait pas. En tout cas, cet enregistrement nous propose 2 nouvelles sonates, la sonate Waldstein et la sonate Appassionata. C'est remarquable, hein, fluide, incroyable, une tonicité vraiment exceptionnelle. C'est Rudolf Serkin qui était déjà pourtant âgé quand il a enregistré ses 2 sonates. Il avait dans les 87 ans, 88 ans, mais quand même, quelle énergie. Et donc Serkin avait été le beau-frère d'Adolphe Busch. Il avait vraiment contribué beaucoup à l'essor de la musique aux États-Unis en fondant le festival de Marlboro qui accueillait des jeunes étudiants en musique. Il avait connu tous les grands compositeurs et tous les grands interprètes du XXe siècle. Il s'était lié un peu avec tout le monde et ce pianiste exceptionnel a enregistré tout un répertoire immense. Et Beethoven figurait bien sûr parmi ses compositeurs de prédilection. Je vous propose d'écouter un extrait du premier mouvement de la sonate Waldstein, la 21e. Pourquoi Waldstein ? Eh bien, c'est le dédicataire de l'œuvre. Le sous-titre est apparu bien après la mort de Beethoven. Parfois, elle est sous-titrée Aurore aussi, cette sonate. On ne sait pas trop pourquoi. Mais enfin, en tout cas, c'est l'une des partitions les plus étonnantes de Beethoven qui date de l'époque des années 1803-1805. Voici un extrait de cette sonate par Rudolf Serkin. Un extrait de la sonate numéro 21, Waldstein de Beethoven avec Rudolf Serkin au piano. Un concerto pour orgue de Vivaldi, maintenant, est-il destiné à l'origine pour l'orgue? On ne sait pas trop parce qu'il y a beaucoup de transcriptions de concertos d'un instrument vers un autre. En tout cas, c'est vrai que Vivaldi a composé des concertos pour tous les instruments qui étaient disponibles autour de lui. La mandoline, le violoncelle, le basson, enfin, incroyable finalement. C'est peut-être d'ailleurs l'un des compositeurs qui a composé le plus pour les instruments les plus divers. Et donc concerto pour orgue, je vous propose d'en écouter un extrait, l'Allegro, le concerto en fa mineur, avec à l'orgue c'est Johannes Geffert et l'orchestre de la Johann Christian Bach Academy est dirigé par Ingeborg Scherer. Thank you. Allegro du concerto en fa mineur de Vivaldi pour orgue et orchestre avec alors Johannes Geffert et l'orchestre Jean-Christian Bach Academy dirigé par Ingeborg Scherer. Allez, la très tonique danse du sabre de Gaïanais de Khatchaturian. Danse du sabre du ballet Gaïanais de Dharam Khatchaturian avec le Boston Pops Orchestra et Arthur Fiedler. On va terminer l'émission avec Bruckner, puisque c'est le bicentenaire de la naissance de Bruckner. Il n'y a pas que Smetana et Puccini qui sont honorés cette année. Et un extrait d'un coffret magnifique qui vient de paraître chez Sony, l'intégrale des symphonies de Bruckner avec Christian Tillmann et un orchestre philharmonique de Vienne somptueux, la Rolls-Royce des orchestres évidemment, et Christian Tillmann qu'on a pu aussi apprécier lors du concert du Nouvel An à Vienne. Voici donc la conclusion du premier mouvement de la 7e symphonie. Conclusion du premier mouvement de la 7e symphonie de Bruckner avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Christian Thielmann. Voilà, c'est terminé pour ce matin. Bon, on se retrouve demain dimanche à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Passez un excellent samedi et à demain.